l'histoire dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, 1919, l'assassinat raté de Georges Clemenceau. 19 février 1919, à 8h45 du matin. La circulation est déjà dense rue Franklin dans le 16e arrondissement de Paris. Voitures à cheval, tramway, quelques rares automobiles, un matin comme les autres en apparence. Sur le trottoir, voilà un quart d'heure pourtant qu'un jeune homme, imperméable, chapeau mou, fait les 100 pas. Il semble nerveux, et pour cause, avec le pistolet automatique qu'il tient serré dans sa poche, il s'apprête dans quelques minutes à abattre le président du conseil, Georges Clemenceau. Comment peut-on vouloir la mort de Clemenceau, le père La Victoire, le vieux moustachu de 77 ans qui, aux pires heures de la guerre, quand tout semblait perdu, avait redonné confiance aux Français et conduit les poilus à La Victoire le 11 novembre 1918. Par chance, et aussi parce que c'est un dur à cuire qui n'a pas du tout l'intention de mourir, vous pensez donc, il a bien trop de choses à faire, Clemenceau va réchapper de l'attentat. Mais cette affaire nous rappelle que ce vieux briscard de la politique, depuis toujours, collectionne les ennemis. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le tigre. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Yves Le Naour, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. C'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Alors quand on pense assassinat politique, on pense à celui de John Kennedy, à celui de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo ou à celui de Jaurès, sans doute parce que ce sont des assassinats réussis, hein. Mais celui de Clemenceau, par chance, il en réchappe. Donc on pourrait penser que c'est un non-sujet. Et pourtant, selon vous, les attentats ratés peuvent avoir des choses à nous dire? Oh oui, c'est toujours le reflet d'une époque, puisqu'il y a toujours des débats, des polémiques, il y a toujours des réactions. Donc évidemment, quand ils sont réussis, ces attentats, ça crée évidemment beaucoup de scandales, une crise politique. C'est vrai que celui-là, on a un peu oublié. Bah oui, on l'a oublié parce qu'effectivement, il est pas mort. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même une balle dans le corps. Il est quand même pas passé loin de la mort. Et ça participe d'un petit peu de son aura chez les Français. En février 1919, il y a ce côté, c'est un véritable... Un héros national, ouais. Voilà, c'est ça. C'est aussi l'occasion de nous rappeler ce personnage incroyable qu'était Clemenceau, parfois un peu oublié, une énergie, une férocité aussi phénoménale, un humour caustique, pas toujours très sympathique pour ses ennemis. Pour ses amis non plus d'ailleurs. Oui, parfois. Et c'était l'homme politique, le français le plus important de cette époque, au début du XXe siècle. Ah oui, effectivement, il est à la tête de la France depuis novembre 1917, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans des conditions qui étaient difficiles. Hein. Il y avait au printemps 1917 cette grande période de doute, de flottement. Oui, on est en pleine guerre, Première Guerre mondiale, oui. 1917, bah, on est très loin d'une victoire. La défaite du chemin des Dames, enfin l'échec du chemin des Dames, vous avez les mutineries, vous avez les grèves à l'arrière. Donc il y a un grand moment de doute pour la France, où elle est un peu au milieu du guet, ou bien elle s'oriente vers une paix de compromis, là il faudrait choisir quelqu'un comme Joseph Caillaux à la présidence du Conseil, ou bien elle choisit le jusqu'au boutiste qui est Clemenceau, qui veut mener la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire ou jusqu'à la défaite. Et on fait confiance à ce moment-là à Clemenceau. Je passe un peu rapidement sur la façon dont il arrive au pouvoir, qui n'est pas toujours très propre, mais si vous voulez, les grands hommes politiques ont besoin parfois de petits calculs pour arriver au pouvoir. Et effectivement, il emmène le pays à la victoire, et à ce moment-là, c'est le dieu vivant, c'est le père La Victoire. Il n'est pas tout jeune. Ah non, il est né en 1841. Ah ouais, c'est un homme vraiment de la première moitié du 19e siècle, ça. Mais oui. Ça, quand il discute avec Wilson, Wilson lui dit, oh là là, mais ça c'est vieux. Wilson qui est donc le président des États-Unis, oui, c'est ça. Et il lui dit, mais ça c'est vieux, ça a 100 ans, 1815, le traité de Vienne, etc. Et Clemenceau lui répond, c'est vieux pour vous les Américains, pas pour nous Européens, parce que moi j'ai connu des gens qui me parlaient de Napoléon, qui avaient rencontré Napoléon. Mm-hmm. Et effectivement, il a 77, 78 ans, là, en 1919. Et il est à la tête du destin du pays. Il va gérer le destin du pays, puisque le destin de l'Europe, de la France, de l'Europe et du monde, eh bien, se joue sur le tapis vert de la conférence de Paris en 1919. Oui, donc là, on est, donc ça a commencé le 18 janvier, c'est la conférence de Paris, c'est la conférence de la paix qui va aboutir au traité de Versailles en juin 1919. Donc c'est extrêmement important. Et si Clémenceau disparaît, la France perd son principal négociateur. Parce que en gros, il y a Lloyd George, le premier ministre britannique, le président Wilson, président américain, Orlando pour l'Italie et Clémenceau pour la France. Ensuite, il y a d'autres négociateurs, mais ils n'ont pas du tout, évidemment, la même hauteur. Et quelles sont les idées, quels sont les objectifs de Clémenceau, justement, dans cette négociation? Alors, le programme français, il est défini un petit bout de temps, c'est restitution, réparation, garantie. Restitution, Alsace-Lorraine. Faire payer l'Allemagne. Et ensuite, réparation, faire payer l'Allemagne, puisqu'il y a quand même des dégâts terribles en France. La France, c'est un pays qui est ruiné, qui est endetté jusqu'au cou. Il n'y a pas eu de combat en Allemagne, donc l'Allemagne est complètement préservée. D'ailleurs, l'Allemagne admet qu'il faut payer. Enfin, garantie, c'est-à-dire que la France veut des garanties de sécurité. Oui, c'est ça. Elle veut notamment occuper la Rhénanie jusqu'à la rive gauche du Rhin pour s'assurer que l'Allemagne ne prenne pas sa revanche dans l'avenir. Donc c'est dans ce contexte d'euphorie de la victoire qu'à la surprise générale, le président du Conseil va être victime d'une tentative d'assassinat. Jean-Yves Naour, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1919, l'assassinat raté de Georges Clémenceau. Un texte de vous, Jean-Yves Naour, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Réalisation, Christophe Hoquet. La mort, c'est moi qui vais le lui donner. Je vais pas le rater, ce tyran. Ce bourreau de la classe ouvrière, ce buveur de sang des soldats de 14-18. Il est 8h40 ce 19 février 1919 quand Émile Cottin, militant anarchiste, arrive devant le 8 de la rue Benjamin Franklin dans le 16e arrondissement de Paris. C'est là, dans un appartement du rez-de-chaussée, que vit Georges Clémenceau. Le président du Conseil, 78 ans, est un homme de routine. Levé très tôt, un peu de gymnastique, un brin de toilette et un petit déjeuner léger à cause de son diabète. Puis, vers 8h45, il monte dans la voiture de fonction qu'il attend devant chez lui, pour se rendre au ministère de la guerre où il a installé ses quartiers. Un chauffeur et un garde du corps l'attendent devant le véhicule et quelques pandores placides tournent en rond sur le trottoir en bâillant aux corneilles. Que voulez-vous donc qu'il se passe? Le père La Victoire est alors adulé par les Français et depuis un mois, c'est lui qui négocie la paix avec les Alliés, l'homme dont dépend le destin du pays. Quand on le reconnaît dans la rue, on crie « Vive Clémenceau !» Les hommes agitent leurs chapeaux, les femmes lui envoient des baisers. Comment pourrait-on lui vouloir du mal? Et pourtant, ce 19 février 1919, le tigre a rendez-vous avec la mort. Il y a trop de policiers devant sa porte. Je peux pas m'arrêter. Comment je vais faire? Là, une boutique. Je vais faire semblant de contempler la vitrine. Le voilà! C'est le président! Bonjour! Bonjour mes enfants! Bonjour mes enfants! C'est lui. Surtout ne pas tourner la tête. Ne pas donner l'impression que je l'attends. Allez, en route. Je me retournerai au dernier moment et je tirerai à travers la vitre de sa voiture quand elle passera à côté de moi. Crève, Clémenceau, crève! Le jeune homme vient de bondir et de tirer deux balles à l'arrière de la limousine. Les vitres se lézardent. Un agent qui se trouve sur le trottoir d'en face est touché à la joue par un projectile qui a traversé l'automobile. Dans les premières secondes, les policiers croient qu'un pneu vient d'éclater. Clémenceau, lui, a tout de suite compris. J'ai vu l'homme foncer sur moi et pointer son arme. Nos regards se sont croisés et je peux vous dire que je lui ai lancé un œil noir. Ça n'a pas duré une seconde. Et quand j'ai entendu les premières détonations, je me suis dit « Ah, tiens, il m'a manqué ». Cette autre balle entre dans la carlingue. Le garde du corps du président du Conseil saute sur le marchepied du véhicule, dégaine son arme de service, vise le meurtrier, mais il renonce à tirer. Il y a trop de policiers et de badauds qui se sont mis à la poursuite de l'assassin. Il risque de toucher un innocent. De toute façon, la voiture s'éloigne. Le chauffeur, touché à l'oreille, appuie sur la pédale. Distancé, l'assassin s'arrête, à bout de souffle et le baril est vide. Planté au milieu de la chaussée, il jette son arme et lève les mains en criant. Ne me frappez pas! Ne me frappez pas! Je parlerai! Je parlerai! Sa prière n'est pas entendue, il reçoit une volée de coups de poing. Surtout quand les commerçants, les ménagères et les employés s'en mêlent. Tout le monde veut cogner sur le salaud qui a tiré sur M. Clémenceau. Et les agents ont toutes les peines du monde à le soustraire à la fureur de la foule qui voudrait le lyncher. Mais Clémenceau a-t-il été touché ? Les premiers coups, il m'a loupé, mais ensuite, quand il courait derrière, j'ai ressenti une forte douleur dans le bas de la nuque. La douleur était tellement forte que je ne pus m'empêcher de crier. Ah, le gretin, il mèche ! Le président du conseil grimace, peine à respirer. Son souffle devient court. Ramenez-moi mon domicile, vite ! Oui, oui, tout de suite, monsieur. C'est mal. Une balle a traversé la carrosserie et le siège arrière de l'automobile avant de perforer son omoplate droite et de se ficher dans le poumon. Aide-moi à marcher, mon garçon, j'ai mal. Appuyez-vous, appuyez-vous. Oh, oh, oh, oh. Passez vite, passez vite, passez vite. Passez vite, oui, allez. Le chirurgien Antonin Gosset est le premier à parvenir sur les lieux. Suivront bientôt un autre chirurgien, un cardiologue, un médecin militaire, sans compter le médecin de famille du président du conseil. Bref, l'appartement de la rue Franklin est devenu une vraie petite académie de médecine. Enfin, pourquoi ne pas vouloir vous aliter ? Je vous dis que ça ne me plaît pas. Le lit, c'est pour dormir ou pour mourir. Alors, je préfère rester assis. Mais puisque vous êtes debout, vous donnez-moi un coussin, là. Là, là, là, là, là, là, là, là. Que je puisse me caler le dos. Tenez. Bon. Voilà. Je vais vous ausculter assis. Ne bougez pas. Oui. Allez. Oh. Ah là là là. Votre veste a été traversée de deux balles sur le côté sans que vous n'ayez été touché. Vous avez une sacrée chance, mon ami. Ah. Voyons voir. Deux éraflures au bras droit. Une à la main gauche et bien sûr cette plaie sous l'omoplate. Je prends le stéthoscope, ne bougez pas. Aïe. Respirez. Soufflez. Dites 33. 33. Encore. 33. Encore. 33. Encore. 33. Dites donc, à 4 cm près, vous étiez touché à la colonne vertébrale. Vous êtes un vénard, monsieur Clémenceau. Ah bon. Se faire tirer dessus, vous appelez ça de la veine, vous ? Bon, pour le moment, je préfère ne pas vous opérer. Nous allons surveiller de près. Vous voulez bien m'excuser, monsieur le chirurgien, j'ai du travail. Un dossier à lire sur l'Albanie, un autre sur la revendication italienne sur la côte adriatique. Je dois me pencher sur la question des réparations à infliger à l'Allemagne. Cela ne va pas se faire tout seul, voyez-vous. Vous avez une balle dans le poumon. Vous avez 78 ans, il vous faut du repos. Non, non, non, non, non, non. Il y a des affaires urgentes, il est impossible que je sois immobilisé. Il en va de l'avenir de la France. La France est éternelle, et vous ne l'êtes pas. La raison de plus pour me mettre au travail. Oh, mais non, mais non, non. Ah, ah mais si, mais si. Ah, faites entrer. Vous n'allez quand même pas recevoir. Oui. La balle n'est même pas encore figée, elle est mobile. Vos tissus sont déchirés, vous pouvez faire une hémorragie. Oh, oh, ce cher Mordac. Ah. Monsieur le Président. Le général Mordac est le chef du cabinet militaire du président du conseil. Très proche de son chef, il est tellement ému que c'est le tigre qui doit le réconforter. Je ne suis pas encore mort. Mais après tout, c'est peut-être malheureux qu'il m'ait loupé. Quelle belle apothéose cela aurait fait. Hein. Il faut vous allonger. Tenez, une petite tisane avec une aspirine dedans. Non, non, non. Ah, faites entrer. Oh non, mais non. Ah, qui c'est? Ah, oh, mon cher Poincaré. Il ne fallait pas quitter l'Élysée, voyons. Comment allez-vous, monsieur le président du conseil ? Prenez note. Pour mes obsèques, ni fleurs ni couronne. Je ne veux que l'indispensable, c'est-à-dire moi. Mais j'ai bien peur qu'il vous faudra patienter encore un peu. Enfin, rassurez-vous, je ne manquerai pas de mourir un jour. Le président de la République, Raymond Poincaré, entretient des rapports détestables avec Georges Clémenceau. Il fait mine de sourire, embrasse le tigre, mais n'apprécie pas son ironie. Les chirurgiens ne veulent pas m'extraire la balle. Ils trouvent que j'ai besoin d'un peu de plomb pour me lester. Mais soyez tranquille, je serai à mon poste à la conférence de paix. Et ne reportez pas le prochain conseil des ministres, j'y serai. Non ! Et voici le président du Sénat. Non ! Oh non ! Et voici maintenant les directeurs de l'Écho de Paris et de la Liberté. Le sous-secrétaire d'État à la justice militaire, les généraux Dubail et Castelnau, suivis du maréchal Foch en personne, les deux frères du président du conseil, Albert et Paul, sa fille, Madame Jacquemert, son directeur de cabinet, Georges Mandel, le préfet de police, Oh, mes amis, rendez-vous compte. Oui. On chasse le tigre dans les rues de Paris. Quelle époque! Oh. Vous le remarquez? C'est une sensation qui me manquait. Je n'avais encore jamais été assassiné. Enfin, comme disant, les quatre, ce sont les risques du métier. Oh Dieu, comme j'ai mal. Bon, cette fois, c'est fini. Tout le monde dehors. Monsieur Clémenceau a besoin de repos. Allez, c'est un ordre médical. Messieurs, allez. Au même moment, l'auteur de l'attentat est vigoureusement interrogé au commissariat de police du 16e arrondissement. Vigoureusement, c'est le mot. Je n'y vois plus d'un œil. On ne bouge plus. Le profil maintenant. Enfin, celui qui n'est pas défiguré par les coups. Ne bougez pas. Bon, maintenant, le bolchevique, tu vas te mettre à table. Toi, parler Françouski? Oui, bien sûr que je parle français, suis français. En plus, ils parlent sans accent, Sruskov. Ils sont forts, ces bolcheviques. Allez, nom, prénom, âge, profession, nationalité. Je m'appelle Émile Cotin. J'aurai 23 ans dans un mois. Je suis ouvrier ébéniste et je suis français. Tu te fous de moi? Mais non, monsieur le commissaire. Jamais un Français n'aurait agi comme tu l'as fait. Tirer sur monsieur Clémenceau, tu te rends compte? Tu travailles pour les bolcheviques, n'est-ce pas? Mais non. Ils t'ont payé combien? À vous, sale traître. Dans les heures qui suivent l'attentat, la thèse du complot bolchevique s'impose naturellement à l'opinion comme aux enquêteurs. C'est un coup de Lénine, c'est sûr, pour propager la révolution et le désordre. Paris Midi décrit d'ailleurs l'assassin comme un individu grand, maigre, aux cheveux très blonds, une physionomie qui, dit le journal, ne paraît pas de chez nous. D'autres se demandent s'il n'y a pas la main de l'Allemagne là-dessous. Et finalement, l'Action française, le quotidien d'extrême droite, opère une synthèse audacieuse en affirmant qu'il s'agit ni plus ni moins d'un complot germano-bolchevique. Mais il faut bien ouvrir les yeux, Émile Cotin est français. Né à Creil en 1896, un petit gars bien poli et bien élevé et qui aime la solitude. Qu'est-ce qui lui a pris de vouloir tuer le président du conseil? Écoutons sa mère. Mon pauvre petit, si serviable, si gentil, toujours à vouloir aider les autres, le cœur sur la main. Mais sa santé est fragile. En 14, il a été réformé à cause de son cœur. Par deux fois, il a tenté de s'engager, par deux fois, on l'a refusé. Oh, il aurait tant voulu se battre. Il était très patriote, vous savez. Alors à 19 ans, il est parti travailler à Lyon. Je suis persuadée que c'est là qu'il a fait de mauvaises rencontres qui l'ont mené où il est aujourd'hui. Oh, mon pauvre petit. Quelle mauvaise rencontre? En 1917, quand il est revenu sur Paris, il avait changé. Oui. Il nous tenait de drôles de discours. Il disait qu'il était anarchiste. Ah. Et quand il venait nous voir... La discussion tournait souvent à la politique. Donc c'est le désordre que tu veux? Mais non, l'anarchie c'est pas le désordre. L'anarchie c'est l'ordre. C'est le capitalisme qui sème le désordre. La misère, la guerre, l'oppression. Tiens, je t'en remets un petit peu. Merci. C'est délicieux. Et quand on ne votera plus et qu'on n'aura plus de chef, ça ira mieux d'après toi? Ah mais tout à fait, ce sont que les valets du capital. On n'a pas besoin de députés, on n'a pas besoin de gouvernement. Je te foutrais le feu à tout ça, moi. Ben, de toute façon, nous les femmes, on n'a pas le droit de voter. Ça veut dire qu'on est un peu des anarchistes? Oh, t'as rien compris, la mère. Tout ça, c'est du baratin. Toi, l'assassin, tu vas pas pouvoir nous mentir longtemps, car la Sûreté Générale a un dossier sur toi. Voyons voir. Alors, tu apparais dans nos fiches en mai... 1918, tu participais aux grèves de l'usine des moteurs d'avions Henriot. Alors, jusque-là, il ne s'est pas fait remarquer au point de vue politique et n'a jamais exprimé le sentiment antipatriotique. Bon, on ne sait pas grand-chose de toi. On ne sait même pas si tu étais syndiqué. Je l'étais, mais j'ai renvoyé ma carte à la CGT. Ce syndicat de lâches a joué le jeu de l'Union Sacrée pendant la guerre. Si, on t'a repéré dans un groupe d'anarchistes qui a troublé un meeting de la Ligue des Droits de l'Homme... dans le quartier de Belleville, en décembre dernier. C'est vrai. La Ligue des Droits de l'Homme voulait rendre hommage au Parlement, à la République, qui durant la guerre n'avait pas cédé devant les militaires. On s'en fout de la République! Vive l'anarchie! Vive la L'orateur disait que grâce à la démocratie et aux droits des peuples, l'Europe allait entrer dans une ère de paix, que l'impérialisme avait été définitivement terrassé. L'émancipation des peuples passera par le revolver et la bombe, oui, pas par ces conneries de suffrage universel. Et quand il a parlé des idées de Wilson, de la société des nations, de la paix universelle... Société des nations capitalistes, oui, capitalistes de tous les pays, unis chez nous. Évidemment, comme on troublait le meeting, les organisateurs ont appelé la police. Ils nous ont demandé de sortir, pris nos identités, et voilà comment je me suis retrouvé dans vos dossiers. Il n'y a pas de quoi tuer un chat. Non, mais tuer un président du conseil peut-être. Qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil? Je me suis dit que j'allais entrer dans l'histoire. Que j'allais réveiller les consciences. Clémenceau est un despote. Les Allemands ont bien fait tomber Guillaume II, alors nous, Français, on doit aussi se débarrasser de notre tyran. Je suis certain que tu me mènes en bateau. Allez, lève-toi. On va à Montrouge, perquisitionner ton garni. Les gérants du garni, où Émile Cottin a déposé ses affaires, sont bien attristés. Pensez donc, un jeune homme si discret qui paye régulièrement son loyer, que l'on n'entend pas, qui ne reçoit pas, ni amis, ni petites amies. Ah non, surtout pas de femme. Elle vous détourne de la pureté militante. L'homme fort est un homme chaste. Un client qui ne boit pas et qui ne fume pas. L'alcool et le tabac sont des poisons qui abrutissent le peuple. Un anarchiste est un être conscient. D'ailleurs, je suis aussi végétarien. Je suis un homme nouveau, en quelque sorte. Un client rêvé qui passe ses soirées enfermées à lire de la littérature. Et poli avec ça, mais pas chaleureux. Bonjour, bonsoir, et c'est à peu près tout. T'as quel étage ? Au deuxième. Nous y sommes. Un lit, une chaise, quelques hardes et une malle. Ah ah, il est fermé par un cadenas. Qu'est-ce qu'il y a dedans, coquin? Ta correspondance cachée avec Moscou ou Berlin? Elle ne renferme que mon trésor, monsieur le commissaire. Des livres. Brochures, des revues. Pas n'importe quel livre. Homère, Montaigne, Rousseau, Hugo, Zola. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Émile Cottin est ahurissant. Se cultivant par lui-même, digérant mal ses lectures, il se prend pour un savant, un affranchi, un émancipé méprisant la masse moutonnière. Au cours de sa garde à vue, il se met à parler littérature, et conseille la lecture du Feu d'Henri Barbusse au commissaire qui n'en revient pas. Cet ouvrier timide et effacé hésite tout simplement entre la carrière de l'agitateur et celle des lettres. En tout cas, il veut être quelqu'un. Pendant ce temps, au 8 rue Franklin, l'état de santé de Clémenceau se dégrade. Tenaillé par la douleur, il n'a pas bien dormi. Oh, ça, je suis moins flambant qu'hier. Je vous avais bien dit de vous reposer et de ne recevoir personne, mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Vous avez tenu salon toute la journée, maintenant vous le payez. Et haute température. 38. C'est pas bon, pas bon du tout. Si la fièvre s'en met, c'est qu'il y a infection. Et monsieur s'il y a infection, Giro, qu'est-ce que... Regardez, du sang. Rien que de très naturel, monsieur le président. Puisque la balle a perforé le poumon, il est normal que vous crachiez un peu de sang. Quelques vaisseaux sanguins ont été rompus, c'est bien le moins. C'est juste que s'il y a hémorragie interne, il faudra vous opérer. Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous encore? Juste quelques pas dans le jardin, j'ai besoin de prendre l'air. Restez assis, la balle n'est pas encore fixée dans vos tissus. Allez. C'est bien les médecins, ça. Hier, il voulait que je m'allonge sur le lit, puis il m'a fait passer la nuit dans le fauteuil. Sous prétexte que la balle pouvait bouger si jamais je me dépliais. Les médecins sont comme les hommes politiques, ils changent souvent d'avis. Et je sais doublement de quoi je parle. Fils de médecin, Georges Clémenceau avait lui-même commencé par étudier la médecine avant de se lancer en politique. Attention à la marche. Oh, charmant votre petit jardin. On voit la tour Eiffel. Oui, oui. Vous élevez des poules? Ah oui, oui, oui. Elles recyclent les déchets alimentaires et me font bon d'eux, hein, ma cocotte? Il me vient une devinette. Vous devez la connaître. Quelle est la différence entre la poule de Jaurès et celle de Clémenceau? Je ne vois pas. La poule de Clémenceau est réaliste et ne chante qu'après avoir pondu. Celle de Jaurès chante avant d'avoir pondu son œuf. Ne me faites pas rire, voyons. Pardon, c'est douloureux. Vous avez un établissement scolaire pour voisins? Des jésuites. Oh, ne m'en parlez pas. Enfin, ils sont pas méchants. Vous voyez le gros châtaignier, là, dans leur cour? Eh bien, il y a quelque temps, ces branches passaient de l'autre côté du mur, je n'y voyais plus rien du tout. Et alors? J'ai sommé les jésuites d'élaguer leur arbre, sous peine d'une nouvelle guerre entre l'Église et l'État. Et? Ben, ils se sont exécutés. Et après, j'ai remercié le père. Mon père, lui ai-je dit. Je peux vous appeler mon père, puisque vous m'avez redonné le jour. Il m'a répondu, mon fils. Je peux bien vous appeler mon fils, puisque grâce à moi, vous avez revu le ciel. Allez, allez, bien bonne. Rentre maintenant. Assez d'efforts pour la journée, monsieur le président du conseil. Je vous l'accorde. Doucement, ne courez pas. Oui, oui, ne cours pas. Allez, je vais lire un peu la place à l'histoire. Tenez-moi, là, je vous tiens. Déjà entouré de la reconnaissance des Français, le père La Victoire est maintenant carrément adulé. Dans la rue, dans les transports, on s'aborde. Avez-vous des nouvelles de monsieur Clémenceau? Les éditions spéciales des journaux s'écoulent en quelques minutes. Et quelle louange! Qu'un tédéum s'élève, Clémenceau est debout, s'enflamme Maurice Barrès dans l'Écho de Paris. Le radical souligne l'ironie qui veut que Clémenceau n'ait pas reçu une seule égratignure en se rendant des dizaines de fois dans les tranchées pour frôler la mort en plein Paris, à 10 mètres de son domicile. Le petit Parisien résume ainsi le sentiment général. La France tout entière crie d'une seule voix que vive Clémenceau. Il en est un seul pour bougonner dans son coin. C'est Poincaré, le président de la République. C'est une véritable folie collective, persifle-t-il dans son journal. Et si par malheur Clémenceau mourait, on en ferait un dieu. Ah ben la presse est bien bonne pour moi. Confite en dévotion même. Je crois aussi avoir reçu quelques télégrammes. Sortez honnête, pouvez-vous me les lire? Le vieil anticlérical a des amitiés surprenantes. Comme garde malade, il a demandé la compagnie d'une religieuse, sœur Théoneste, celle-là même qui, en 1912, l'avait veillée après son opération de la prostate. C'est bien parce que c'est vous, hein, monsieur Clémenceau. Entre celle qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, on se taquine à longueur de journée. Vous avez reçu un message du président américain Wilson, du premier ministre britannique Lloyd George et de Winston Churchill, qui salue en vous l'âme vaillante de la France. Non, bah c'est gentil, ça. Monsieur Gosset, apportez-moi donc un thé, et un autre pour sortir honnête. Je vous signale que je suis chirurgien et non domestique. Eh ben, ça vous changera. Et pas de sucre, hein, je suis diabétique. Alors, le Premier ministre italien vous assure de l'amitié du peuple italien. Oh, ben ça, on en reparlera quand j'aurai dit non à l'annexion de la Côte d'Almate, enfin. Non, ben, Gosset, vous en mettez à moitié à côté. Oh, j'espère que vous n'êtes pas aussi maladroit que vous opérez. Je vous en prie. Alors, vous avez reçu aussi les bons voeux de rétablissement des rois d'Angleterre, d'Italie, de Belgique, d'Espagne, de Roumanie et de Grèce. Toutes ces têtes couronnées, ça me donne le cafard. Foutez-moi ça à la poubelle. Alors, il n'y a rien d'autre? Ouh, si, bien sûr. Alors, voici les télégrammes des premiers ministres d'Australie, du Canada, des maires de Londres, de Bruxelles, de Barcelone, du président de l'Assemblée tchécoslovaque, du ministre des Affaires étrangères d'Argentine, du Sénat américain et du président de la République portugaise. Oh, Jésus-Marie, il y a aussi un message amical de notre sainteté, le pape Benoît XV. Le pape? Oh ben, il manquait plus que celui-là. Il dit qu'il vous envoie sa bénédiction. Ah ben, répondez-lui que je le remercie et que je lui envoie moi aussi ma bénédiction. Non, monsieur Clémenceau, ne blasphémez pas. Oh, ma foi, ma sœur, vous voyez bien, je suis en odeur de sainteté. Tout le monde va me canoniser. C'est parce qu'ils ne savent pas quel vieux machin vous êtes. Oh, pardon, je suis au mieux avec le bon Dieu. La preuve, il a décidé de me retenir un peu plus longtemps sur terre. C'est parce qu'il ne veut pas de diable chez lui, à mon avis. Bon, et peut-être aussi parce que j'ai prié pour vous. Même si vous n'en valez pas la peine. Merci pour vos prières, sœur Théoneste. Elles me font le plus grand bien. L'ennui, c'est que je sens bien qu'un jour, elles n'auront plus grand poids auprès de l'Éternel. Pour moi, le plus émouvant, ce ne sont pas les billets officiels, les vœux de convenance, les sympathies sur commande, non. Ce qui compte pour moi, c'est cette foule inquiète et anonyme qui se précipite rue Franklin avec leurs bouquets de fleurs et leurs boîtes de chocolat. Qui viennent signer le registre installé dans la loge du concierge après y avoir griffonné quelques mots. Il paraît qu'il y a une file d'attente dans la rue avec des vieillards et des écoliers, des bourgeois en haute forme et des ouvriers en casquette, des midinettes et des femmes du monde, et puis des poilus, des soldats en permission, pas encore démobilisés. Ah, mes poilus. Regardez, là, sur ma cheminée, il y a ce bouquet de fleurs, aujourd'hui desséché, que des soldats m'ont offert lors d'une tournée au front en Champagne. C'est ce que j'ai de plus cher dans cette baraque. Dans la file d'attente, on discute en attendant son tour. Quelle peur il nous a faite, dit un vieillard. Mais pourquoi donc n'avait-on pas blindé sa voiture, interroge une femme. Et tout le monde se tait quand un aveugle de guerre survient, le bras soutenu par sa mère, qui lui place le stylo entre les doigts et qui, d'une main malhabile, trace sur le livre des vœux de guérison. Au fond, Clémenceau est un peu plus qu'un président du Conseil, il incarne la France. C'est tout un peuple, ou presque, qui communie autour de son vieux chef comme s'il s'agissait d'un parent malade. Mais quel homme que ce Clémenceau ! Le 27 février, il est déjà de retour aux affaires, comme si de rien n'était. Avec un supplément de gloire, 10 grammes de plomb dans le corps. Cotin, lui, est unanimement détesté. Lorsque son procès s'ouvre, le 14 mars 1919, un mois seulement après les faits, les Français ne réclament qu'une chose, sa mort. Enfin, je vais pouvoir briller. Lire ma déclaration qui rentrera dans l'histoire. Pourquoi j'ai tué Clémenceau. Accusé, nous vous écoutons. Mesdames, messieurs, camarades, je suis anarchiste, partisan de l'émancipation des hommes. Et Clémenceau empêchait nos réunions militantes. Il faisait donner la police qui nous réprimait sans ménagement lors des grèves du printemps 1918. J'ai alors pensé que si on supprimait Clémenceau, l'édifice de répression s'écroulerait. Voilà. Les juges et le public sont consternés. Silence. On attendait un orateur, un illuminé, un imprécateur façon Ravachol, un violent du genre Bono, et l'on découvre un jeune homme efféminé, timide, le visage blême, complètement perdu dans le rôle à contre-emploi d'assassin vengeur du prolétariat qu'il s'est choisi pour exister. Il n'empêche, le verdict est couru d'avance. Pour renverser la vapeur, l'avocat, Oscar Bloch, a l'intelligence de convoquer les écrits mêmes de Clémenceau, du temps où il était journaliste, et s'opposait à la peine de mort pour les anarchistes poseurs de bombes des années 1890. C'est vrai, je n'ai jamais aimé hurler avec les loups. Je disais que la violence appelle la violence et que pour diminuer la violence sociale, il fallait plus de justice et d'égalité, et non pas plus de guillotine. En 1894, j'écrivais « Je refuse la guillotine qui déshonore la société en lui offrant pour se défendre les mêmes armes que les assassins ». Mais il semble que les juges de 1919 n'ont pas été convaincus par mes arguments. Je suis la mère. Je viens défendre mon fils. Je ne veux pas qu'on dise qu'il est d'être antipatriote. Il était si triste de voir tant de soldats mourir. Il en pleurait avec moi. Il a voulu s'engager. Le malheur, c'est qu'on ne l'ait pas pris. Il était brave. On lui a donné des missions périlleuses et au moins s'il était mort. S'il était mort, je pourrais. Oh, monsieur le juge, ne tuez pas mon petit. À mort! La délibération n'a pas traîné. 15 à 20 minutes seulement. Je suis reconnu coupable de tentative d'homicide avec préméditation. Les circonstances atténuantes ne sont pas retenues. Je suis condamné à mort. Ma mère, ma pauvre maman perd connaissance. La sévérité de la peine n'émeut pas les Français outre mesure, même si les socialistes trouvent que la peine de mort s'est chèrement payée pour un crime raté. 15 jours plus tard, cependant, l'opinion se met à tanguer. Le 29 mars 1919, en effet, l'assassin de Jaurès s'est acquitté. Les juges lui ont trouvé tout un tas de circonstances atténuantes. Mais quelle est donc cette justice qui condamne à mort celui qui n'a pas tué et qui acquitte celui qui a tué ? Serait-on plus ou moins durement traité selon que l'on est anarchiste ou nationaliste ? N'est-ce pas le crime de lèse-majesté qui, sommeillant encore dans la République, expliquerait cette sentence implacable ? Bah, laissez donc toute cette comédie. Dès le lendemain de l'attentat, j'ai décidé que je ne laisserai pas exécuter un homme pour crime de lèse-majesté. La majesté, en l'espèce, est en moi-même. Ah, Madame Cottin, bonjour. Monsieur Clémenceau. Je vous ai prié de venir pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vais proposer en faveur de votre fils une commutation de peine. Très large. Merci. Merci. Monsieur le président du conseil, vous êtes un homme très généreux. Non. Je suis très heureux de vous rendre ce service. Si on devait zigouiller tous les couillons, il ne resterait plus beaucoup de Français, pas vrai? Le 8 avril 1919, la peine de mort est commuée en 10 ans de détention. Et en 1924, Émile Cottin sera finalement amnistié. Celui qui avait voulu entrer dans la lumière en tuant Georges Clémenceau retournera définitivement à la nuit. Bon, ben je m'en suis bien tiré cette fois. Mais cette baraka, ça ne marchera pas à tous les coups. Alors, pour mes obsèques, d'abord, je ne veux pas de point carré derrière mon cercueil. Ah non, je serai capable de ressusciter. Et surtout pas de prêtre. Défense d'approcher, au large. Et pas de femme qui pleure, oh. Et pas d'homme non plus. Dans mon cercueil, je veux qu'on place ma canne à pommeau, symbole de ma jeunesse arrogante, et le petit coffret qui contient un livre offert par ma maman chérie. Enfin, on placera à côté de moi le petit bouquet desséché que m'ont offert mes poilus. Ça, non. Il ne faudra pas l'oublier. Hein, vous ne les oublierez pas, les fleurs de mes poilus. L'assassinat raté de Georges Clémenceau de Jean-Yves Le Naour avec Georges Clémenceau, François Le Riquet, Émile Cottin, Zacharie Laurent, Antoine Gosset, Philippe Bautier, le commissaire Aurélien Ouzinski, la mère Virginie Colmain, sœur Théoneste Judith Morisseau et les voix de Xavier Bazin, Jean-Charles Delhomme et Marc Prin. Bruitage Benoît Fèvre, prise de son montage et mixage Olivier Dupré et Antoine Espel, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on parle encore de Clémenceau avec mon invité Jean-Yves Le Naour. Le temps, avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nous rêve. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi. c'est la fin. Avez-vous mesuré ce jeu? Mon jeu sans avoir l'air de rien. Je me serai encore entre mes dents. Avec moi, mon vieux pays, Émilie Loiseau sur France Inter, autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Paul Percheron. Jean-Yves Naour, c'est donc vous qui avez écrit l'histoire que je viens de raconter. Alors, tout est vrai, vous m'avez dit. Tous ces bons mots de Clémenceau. Ah, alors, des bons mots de Clémenceau, effectivement, ils sont légion. Et effectivement, Clémenceau, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais un humour qui est très souvent féroce. Ouais. Féroce. Il s'est pas fait toujours des amis. Oui, c'est ça. Il est même rentré, d'ailleurs, dans la littérature, puisque dans Ne te promène pas toute nue de Feydeau, il y a ce moment où cette femme qui se promène toujours dénudée passe devant la fenêtre et en face, il y a Clémenceau, alors que son mari, le mari de cette femme, est député radical et lui dit « Mais voyons, en face, il y a Clémenceau !» Et il dit « Mais alors, est-ce qu'il n'est pas de ton parti ?»« Mais c'est justement dans son parti qu'on a ses pires ennemis !» Voilà, donc il est aussi dans la littérature. Oui. Quelle santé ce Clémenceau quand même, hein, 77 ans, bientôt 78, il vient de se faire tirer dessus, il fait salon dans son appartement, et surtout, il continue à travailler d'arrache-pied, comme si de rien n'était. Et il se lève, c'est vrai qu'il se couche assez tôt, mais il se lève très très tôt, il se lève à 6h30 du matin, il a une vie qui est vraiment très, très rythmée, très ordonnée, et puis il faut imaginer aussi qu'auparavant, pendant la guerre, il se rendait très souvent aux tranchées, donc il allait au front, il allait rencontrer les soldats. Et imaginez, vous étiez un soldat dans un poste avancé, puis tout d'un coup, vous voyez arriver Clémenceau, en personne qui vient vous serrer la main, et puis qui vous demande ce que vous pensez, qu'il faudrait... Une grande proximité, une grande empathie avec les gens, avec les soldats, en l'occurrence. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, a 76 ans en 1917, et on a compté au total combien de fois il s'était rendu aux tranchées, plus de 6 mois pendant la guerre. Et là, en 1919, vous voyez, il est blessé, mais il ne peut pas arrêter de travailler. Il reçoit, et il lit énormément de notes, parce qu'il y a la négociation, la conférence ne s'arrête pas. Il a eu de la chance, Clémenceau, c'est que, si je puis dire... Oui, c'est quand même la chance d'abord qu'il a c'est sauvé. C'est que cette attentat tombe dans un moment où le président américain est reparti aux États-Unis depuis le 14 février, et Lloyd George est reparti en Grande-Bretagne, Orlando en Italie. Finalement, cet attentat qui va l'handicaper pendant 5 jours, ça va pas peser énormément sur les négociations. Oui, quand certains journaux, on l'a entendu, accusent l'Allemagne ou la jeune Russie bolchévique d'avoir armé le bras de l'assassin, est-ce que c'est totalement absurde, enfin en tout cas qu'on se pose la question, parce qu'on est en pleine conférence de paix, vous venez de le dire Jean-Yves Naour, l'Allemagne vaincue finalement aurait tout intérêt à le voir disparaître, ce négociateur féroce qui se bat pour obtenir le maximum de réparations de guerre. C'était pas aberrant. Bah non, c'est pas aberrant. Sauf que c'est pas vrai, mais bon. Non, voilà, c'est pas vrai. C'est pas aberrant, mais en même temps, l'Allemagne aurait été dans de beaux draps si elle avait fait assassiner Clémenceau. Évidemment, ouais. On lui aurait imposé peut-être des conditions encore plus sévères, encore plus strictes. Et puis, il y avait vraiment cette idée que le monstre allemand pour les Français avait été terrassé, mais qu'il y avait un nouveau monstre qui était né de la guerre et qui était encore plus dangereux parce qu'il n'était pas national, mais idéologique. C'était évidemment le bolchevisme, le communisme, qui a des relais d'ailleurs en France. Le Parti communiste n'est pas encore apparu. Il apparaîtra en décembre 1920. Oui, c'est ça, avec la scission du Parti socialiste, la SFIO. Congrès de Tours. Mais voilà, il y a cette idée qu'il y a un nouvel ennemi. D'ailleurs, à la fin de l'année 1919, quand il y a ces élections législatives, le bloc national qui se revendique de Clémenceau fera campagne avec une affiche électorale qui montre un bolchevique hirsute avec un couteau entre les dents. Et contre ça, voter bloc national. Et donc, quand il y a l'attentat, on se dit « Ah, c'est un coup des bolcheviques, c'est sûr. » Parce qu'en janvier-février, on parle d'intervenir en Russie. C'est la guerre civile en Russie. On envoie d'ailleurs la marine en mer Noire. On prend Sébastopol en Crimée. On prend Odessa. On voudrait soutenir les Blancs. Il faudrait envoyer une armée de 500 000, 1 million d'hommes. C'est absolument impossible pour battre l'armée rouge. Donc, on voudrait apporter du matériel, des armes aux armées blanches. Mais évidemment, ça fait débat. Et donc, quand il y a cet attentat à droite, où on est favorable à l'intervention, on se dit « Ah, ça ne peut être qu'un coup des bolcheviques. » Je vous propose d'écouter la voix de Georges Clémenceau. C'est un enregistrement de 1922. Il est à Chicago à ce moment-là. Il rend hommage, un vibrant hommage aux soldats américains de la Première Guerre mondiale. Le général Pershing, sur la tombe de la Fayette, a dit à son arrivée le mot qu'il fallait dire. La Fayette, nous voilà. Enveloppe français qui n'est rétailli à cette parole désormais historique. J'ai vu ces hommes à la bataille, et mon cœur bondissait, témoin du sacrifice qui se déployait si magnifiquement sous le drapeau étoilé. C'était l'espérance, c'était un supplément d'audace, c'était la certitude de la victoire qui nous était apportée. Bon, le son n'est pas tout jeune, je vous l'accorde, mais la voix de Clémenceau, elle est vraiment vigoureuse pour un homme de 81 ans. C'est étonnant. Oui, c'est très étonnant. On a une voix vraiment beaucoup plus jeune que son physique, hein, parce qu'il avait c'est un homme assez corpulent, avec cette grosse moustache, oui, le papy, voilà, et son petit chapeau sur la tête. Pas si corpulent que cela, mais quand même, il se porte bien, mais il a du diabète, beaucoup de diabète, donc il fait énormément attention à son alimentation depuis des années. Vous l'avez dit, Clémenceau est très populaire en 1919. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, c'est un vieux briscard de la politique. Alors c'est étonnant, parce qu'à droite, il a l'image d'un homme de gauche, et à gauche, l'image d'un homme de droite. Alors là, comment est-ce qu'on peut définir la couleur politique de Clémenceau, Jean-Yves Naour? Clémenceau, c'est... pas facile, c'est pas facile, hein, parce qu'il a tout été. Il a été à droite, à gauche, et finalement, il a été national au-dessus, on pourrait dire, un petit peu comme De Gaulle. Et d'ailleurs, ils se ressemblent pas mal, ces personnages. Oui, et aujourd'hui, avec le temps, finalement, tout le monde peut s'en réclamer, parce qu'il y a plusieurs Clémenceau, et tout le monde pioche dans le Clémenceau qu'on veut. Si bien qu'on voit aujourd'hui quelqu'un comme Nicolas Sarkozy se référer à celui qui a été ministre de l'Intérieur avant d'être... Le premier flic de France, c'est ça, hein, c'était comme ça qu'on appelait Clémenceau, oui, c'est de là que vient l'expression. Oui, parce qu'il a été ministre de l'Intérieur et président du Conseil entre 1906 et 1909. On voit quelqu'un comme Valls se référer sans cesse à Clémenceau, d'ailleurs il avait copié un petit peu son discours d'investiture de 17. Quelqu'un comme Chevènement. Et même le président Macron, qui en 2018 avait décrété l'année Clémenceau, l'année de la victoire, tout le monde se réfère un petit peu à Clémenceau. Oui, bah il faut rappeler quand même que dans les années 1906-1909, vous le disiez, donc il est ministre de l'Intérieur, et la mémoire ouvrière n'oubliera pas les morts et les blessés, donc à la répression des manifestations des viticulteurs, à Narbonne, les ouvriers de Villeneuve-Saint-Georges, de Draveil, donc tout ça, ça fait partie de la mémoire de gauche. Voilà. Chez les socialistes, Il y a des controverses Jaurès-Clémenceau qui sont très fortes. Mais quand même, il a été en prison sous le Second Empire, donc il était très jeune, il a défendu l'amnistie des communards, et il était anticlérical aussi, on l'a vu. Il a siégé à l'extrême-gauche, parce que dans les années 1880, quand il était député, les années 1870-1880, il n'y avait pas encore le Parti Socialiste, donc comme il était radical, il siégeait à l'extrême-gauche. Il a été repoussé vers le centre-gauche par l'apparition des socialistes. Mais il n'a pas vraiment adhéré à des partis. Il a adhéré, je crois, une année au Parti Radical Socialiste. C'est un Dreyfusard aussi, il faut le rappeler quand même. C'est dans son journal, L'Aurore, qu'a été imprimé le J'accuse de Zola. Et donc, finalement, il y a dans Clémenceau un certain nombre de valeurs qui font que, de gauche et de droite, on se revendique de lui. Parce qu'il y a de l'autorité. L'autorité et la liberté, le parlementarisme. Vraiment, c'est quelqu'un qui défend le parlementarisme, même s'il est très sévère vis-à-vis du parlementarisme. C'est peut-être sa différence avec De Gaulle. Quand il dit, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un dromadaire? C'est un cheval dessiné par une commission parlementaire. parlementaire. C'est le jacobin, mais c'est aussi l'énergie, le volontarisme, l'anticléricalisme. C'est quelqu'un qui n'est jamais entré dans une église, sauf une fois parce qu'il pleuvait quand il y a des cérémonies. C'est Sœur Théoneste voilà. qui l'a forcé à aller entrer dans l'église, peut-être. D'où ce petit mot, j'envoie ma bénédiction à Benoît XV. Très ironique. C'est pendant la guerre qu'il est devenu l'ennemi des anarchistes, certains d'entre eux. En se battant contre le défaitisme, le pacifisme. Alors, il a toujours été l'adversaire de l'anarchie, en réalité. Même si les anarchistes considèrent que l'anarchie n'est pas le désordre, que l'anarchie c'est l'ordre, que c'est le capitalisme qui est le désordre, etc. D'abord, il ne croit pas à la société sans classe, il ne croit pas à la révolution, etc. Il croit que finalement les hommes sont assez mauvais et qu'il faut réguler, il faut encadrer. Ensuite, effectivement, quand il arrive au pouvoir, pendant la Première Guerre mondiale, tous ceux qui s'opposent à la guerre jusqu'au bout sont vus par lui comme des demi-traîtres. Il en poursuivra d'ailleurs un certain nombre, quelques syndicalistes qu'il enverra en prison. Mais le mouvement anarchiste lui-même à l'époque est très divisé. Un certain nombre, comme Jean Grave, soutiennent la guerre, soutiennent l'Union Sacrée. La CGT soutient majoritairement l'Union Sacrée. La CGT est née au départ avec les idées anarchistes de l'anarcho-syndicalisme. Dans l'anarchie, il y a à la fois des individus qui défendent l'idée de la propagande par le fait, donc l'attentat, l'assassinat pour éveiller les masses, et puis de l'autre côté, l'action collective, comme le syndicalisme. Alors, ce qui est étonnant aussi dans l'affaire que vous nous avez révélée, Jean-Yves Le Naour, c'est la comparaison entre la condamnation à mort de Cotin, qui a tenté d'assassiner Clémenceau, avec l'acquittement 15 jours plus tard de Raoul Villain, le meurtrier de Jaurès. Donc c'était avant la guerre, le 31 juillet 1914. Celui qui a tué est acquitté, celui qui n'a pas tué est condamné à mort. Et en plus, Madame Jaurès devra payer les frais de justice, payer les frais, effectivement. Alors qu'elle est la veuve d'un homme qui a été tué. Le canard enchaîné, 5 ans auparavant. Se moque justement au moment de l'acquittement de Villain. Il dit on devrait donner des dommages et intérêts à Villain parce que c'est une erreur judiciaire, etc. Et il fait parler deux magistrats. Et si Villain n'avait pas tué Jaurès, si Villain avait raté Jaurès, alors à ce moment-là, nous l'aurions condamné à mort. Alors, il y a un vrai verdict de classe pour les socialistes. Ils disent, mais quand même, Villain a tué un socialiste, un député socialiste, le chef des socialistes, il n'est pas condamné, il est acquitté parce qu'on dit, il c'était un patriote égaré, une sorte de crime passionnel patriotique. Et puis, Cotin, un peu un imbécile, qui était emporté lui aussi par l'exaltation, très proche de Villain finalement. Et lui, par contre, il est sévèrement frappé, mais est-ce qu'on n'a pas voulu frapper derrière lui l'anarchisme, le socialisme, la révolution, plutôt que l'acte en lui-même. Donc il y a vraiment l'idée d'un verdict de classe et tous les Français se sentent mal à l'aise à l'issue du verdict qui acquitte Villain. Ce qui fait que Clémenceau décide la grâce. Oui, c'est un acte assez généreux. Émile Cotin sera finalement amnisté en 1924 et il mourra en 1936 en combattant dans la guerre d'Espagne. Clémenceau donc va abandonner la politique en 1920 et il mourra en 1929, toujours avec sa balle fichée dans le poumon, dans son appartement du 8 rue Franklin, que vous connaissez. J'invite tous les auditeurs de France Inter à aller le visiter. C'est un musée exceptionnel puisqu'on y retrouve... Pas très loin de la radio. Mais oui, bien sûr. C'est un rez-de-chaussée... de jardin, on voit la tour Eiffel, etc. Et puis, on voit sa table de travail, qui est une table exceptionnelle, puisqu'elle a été dessinée sur mesure. Et puis, vous avez une exposition en ce moment sur Clémenceau dans la caricature au premier étage. Puis, on voit aussi que Clémenceau était un amateur d'art, un grand ami de Monet. Bien sûr. C'était un homme qui aimait les artistes. Qui a offert ses nymphéas à l'État français, qu'on peut admirer aujourd'hui à l'Orangerie. Merci beaucoup Jean-Yves Le Naour à lire évidemment votre livre L'assassinat de Clémenceau paru récemment chez Perrin et la biographie de Clémenceau, il y en a beaucoup, par exemple celle de Michel Vinocq, toujours chez Perrin. Autant on emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en Pologne, à Varsovie, pendant la Seconde Guerre mondiale, en compagnie d'un personnage très attachant, Władysław Szpilman, le pianiste et compositeur qui inspirera le cinéaste Polanski pour son film Le Pianiste, l'histoire vraie d'un homme juif polonais qui réussit à réchapper du ghetto, des camps de la mort et à survivre dans Varsovie occupée par les troupes d'Hitler. Władysław Szpilman à la recherche de son sauveur, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire. Mais tout de suite, après le flash, bien sûr, vous avez rendez-vous avec Édouard Baer, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.